tout juste 20 ans. Arme au poing, il attend que l'ordre soit donné, que l'assaut soit lancé. Il sent déjà en lui qu'il ne rentrera pas. Il pense à sa famille, à sa mère et ses bras. Il est mort sous les bombes et les balles. Il a chuté sur l'ordre du général. Il est mort sur le champ de bataille. Il n'est plus qu'un nom sur un mémorial. Et en face de ce sergent tombera un Allemand. Il va lui-même tuer ce jeune fils d'ouvrier avec lequel la veille il parlait de Marseille, de la mer et du soleil que le Mistral balaye. Mais il est mort sous les bombes et les balles. Il a chuté sur l'ordre du général. Il est mort sur le champ. Il n'est plus qu'un nom sur un mémorial. Nous attendons encore de ne plus compter nos morts. Quel que soit le continent, disons stop aux affrontements, aux batailles et aux guerres qui remplissent nos cimetières. Ni les dieux, ni les rois ne peuvent justifier tout cela. Il n'est plus qu'un sur un mémorial. Il est mort.